La 16e action pan nationale a été livrée le 18 février en Corée du Sud, notamment à Séoul, pour la destitution de Bakounine, sous les auspices de l'action pan nationale pour la destitution du pouvoir de Bakounine. Avec la bougie à la main, plus de 844 000 personnes de tous sexes et de tout âge, y compris les membres des formations de divers paliers, les habitants, les chefs des organisations autonomes régionales, les membres des partis d'opposition et les enfants des écoles primaires ont participé à la lutte.